bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Ah, après les actualités, le bonheur serait de connaître le futur. Oui, parce que là nous sommes encore dans le présent. Eh bien, le cours de l'histoire aujourd'hui s'intéresse à la cartomancie, à la divination, à l'astrologie. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quelle différence et quel point commun pouvons-nous envisager entre la préparation culinaire et la divination antique? Dans les deux cas, il faut de bons ingrédients et suivre la recette. Ainsi, nous voici devant un magnifique foie de mouton. L'agneau, le veau feront l'affaire. Hein. Une belle pièce, bien fraîche. Larus Pisse est le spécialiste de l'art divinatoire. Il lit dans les entrailles des animaux le petit défaut, la forme. Il voit l'avenir, ou plutôt, il valide une décision. Bon, sinon, le poêlé dans du beurre arrosé de vinaigre, sel, poivre, le tour est joué. Oui, la divination, y croire ou pas, tout cela est une question de foi. Nicole Belaïche, bonjour. Bonjour et bonne année à tous les auditeurs. Meilleurs vœux à vous aussi. Et puis bonne année, effectivement, c'est souhaiter un bon futur. Vous êtes directrice d'études émérites à l'École pratique des hautes études, spécialiste de la religion dans l'Antiquité romaine. Et vous avez publié « Religion et pouvoir dans le monde romain, l'autel et la toge de la deuxième guerre punique à la fin des Sévères ». Dites-nous, les Romains croyaient-ils à la divination? Croyaient-ils qu'il était possible de lire l'avenir? C'est-à-dire que tout dépend ce qu'on entend par divination. Pour les Romains, et en particulier dans le système religieux public romain, donc dans la religion d'État, la divination est surtout un moyen de s'assurer de la qualité du présent. C'est-à-dire qu'avant toute action publique, que ce soit une rencontre politique, que ce soit évidemment une campagne militaire, que ce soit la construction d'un temple, par exemple, on va demander aux dieux s'ils donnent leur assentiment à l'action qui va être faite. C'est ça, très précisément, la divination à Rome. C'est-à-dire s'assurer que les dieux sont favorables à l'action qui va être faite. Donc on voit qu'on est dans un futur qui est en fait un présent qui arrive assez rapidement. On n'est pas du tout dans une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer à la fin de l'année. On a des procédures divinatoires successives à chaque fois qu'on avance dans la mise en route d'une opération de type public. Donc les magistrats vont prendre les auspices, le général en chef évidemment va prendre les auspices, mais il va les prendre quand il part de Rome avec son armée. Mais quand il va arriver sur le champ de bataille, il va de nouveau reprendre les auspices. Donc on a un système successif de consultation des dieux. Dans la réflexion autour de la divination, de l'utilisation de l'astrologie pour prendre des décisions, bien sûr, nous pouvons nous plonger dans l'Antiquité, et nous l'entendons avec vous, Nicole Belaïche. Il y a la divination pour savoir si l'action est validée par les dieux, mais dans notre imaginaire, il y a aussi l'astrologue. Aux côtés du souverain Jean-Patrice Boudet, vous êtes avec nous également, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. De même, merci beaucoup, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Orléans, vous êtes l'auteur de « Astrologie et politique entre Moyen-Âge et Renaissance ». C'est intéressant de vous avoir l'un et l'autre, spécialiste de l'Antiquité, spécialiste du Moyen-Âge, de la Renaissance, parce que il y a toujours cette continuité qui est très intéressante à voir. Pourriez-vous nous dire si la croyance dans une lecture du futur, même du futur très proche, que vous retrouvez à la fin du Moyen-Âge ou sous la Renaissance, est la même que dans l'Antiquité? Non, c'est pas du tout la même, pour la bonne raison que la divination, à l'époque médiévale, en tout cas dans le cadre du christianisme, est quelque chose qui est normalement interdit. C'est une usurpation de l'honneur divin et de la majesté divine. Donc, il y a bien des méthodes divinatoires, comme l'astrologie entre autres, mais elles ne doivent pas s'avouer comme étant divinatoires. Elles doivent s'avouer comme de la prédiction naturelle. Et donc, en tant que telles, elles sont acceptables. Mais sinon, saint Augustin notamment a rejeté la divination comme une superstition justement typique des croyances de l'Antiquité et des religions de l'Antiquité que le christianisme rejette. Et donc, les astrologues existent bien. Il y a même aussi des devins, mais ils doivent pas trop s'avouer comme tels. Donc, l'astronomie, astrologie, est quelque chose qui est enseigné, mais qui ne doit pas être assimilé à de la divination. Comment donc, les... si vous voulez, finalement, ça revient au même, sauf que il y a une négation du phénomène divinatoire, même si de nouvelles techniques divinatoires et des anciennes sont réactualisées et utilisées au Moyen-Âge. Comment les hommes du passé voyaient-ils leur futur? C'est ce qui nous intéresse toute cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, divination, astrologie, cartomancie. Mais oui, comment lisait-on l'avenir ou comment voulait-on être sûr que notre présent soit conforme à la volonté divine? Eh bien, faisons un petit tour dans l'Antiquité avec une réflexion sur la manière de lire l'avenir. Cicéron, c'est peut-être une boule de cristal, non Cicéron, nous élu aujourd'hui par Olivier Martineau. Que les prêtres d'ailleurs forment deux classes. L'une qui préside aux cérémonies et aux autres sacrifices, l'autre qui interprète les réponses des devins et des prophètes, que le Sénat et le peuple auront approuvées. Que les interprètes de Jupiter très bon et très grand, augure public, consulte ensuite les signes et les auspices, qu'ils observent les règles. Que les prêtres prennent les augures pour les vignobles, pour les nouveaux plans, pour le salut du peuple. Qu'ils fassent d'avance connaître l'auspice à ceux qui traitent des affaires de la guerre ou du peuple, et que l'on s'y conforme. Qu'ils présagent le courroux des dieux et qu'on y obéisse. Qu'ils partagent le ciel en régions déterminées pour y observer les éclairs. Et la ville, et les champs, et les temples, que tout soit ouvert à leur regard et soumis à leurs paroles, et que les choses que l'augure aura déclarées irrégulières, néfastes, vicieuses, funestes, soient nulles et non avenues, et que la désobéissance soit crime capital. Ah bah oui, c'est crime capital. Cicéron, donc, au 1er siècle avant Jésus-Christ, évoque la divination, évoque les prêtres. Nicole Belaïch, quelle est la place de la divination dans la société romaine? Il faut bien insister là-dessus, c'est quelque chose d'admis, de public, de nécessaire même. Absolument, et Cicéron, donc vous venez de lire ce très bel extrait du livre 2 de son traité sur les lois, qui est une sorte de république idéale, si je puis dire, ou de constitution idéale. Cicéron le dit très bien, hein, on n'engage aucune action, qu'elle soit publique ou qu'elle soit domestique, mais de type économique, par exemple. Hein, il a parlé des semences, il a parlé des récoltes, etc. On n'engage absolument aucune action tant qu'on n'est pas certain que les dieux sont favorables à l'action qui va être faite. Et à cet égard, la divination fait vraiment partie du système religieux romain et du système politique romain, puisque la religion est une religion publique. Et ce que disait Jean-Patrice Boudet tout à l'heure est très important, parce qu'il a montré en quoi le christianisme a véritablement, enfin l'avènement du christianisme comme religion d'État, à partir de la fin du IVe siècle, a véritablement modifié les choses. Et ce qui est très important, c'est que Cicéron vient de le dire, hein, il y a deux types de prêtres, il y a les augures, et puis il y a également ce qu'on appelle les aruspices. Or, la technique aruspiciale est une technique, vous y avez fait allusion dans votre introduction un peu humoristique sur le foie et la foi, la technique aruspiciale est une technique qui lie dans les entrailles, qui suppose donc le sacrifice animal. Or, l'une des ruptures majeures du christianisme par rapport au système religieux romain traditionnel, c'est évidemment le refus du sacrifice. Et donc, en refusant le sacrifice, les chrétiens se mettaient nécessairement, les chrétiens, les penseurs chrétiens, se mettaient nécessairement, je dirais, en écart, en opposition, par rapport à des techniques divinatoires, dont par ailleurs, évidemment, ils récusaient la nécessité, puisque c'est Dieu qui dessine les desseins du monde. Et puis, il y a donc quelque chose de très pratique dans ce que vous nous dites, Nicole Bellèche, c'est qu'il y a des fois, il y a des entrailles d'animaux. Comment se pratique la divination ? Alors, donc, tout dépend si vous avez affaire à un augure ou à un aruspice. Alors, l'augure est celui qui va vous dire l'état d'esprit des dieux avant d'entrer dans une action. Et il y a pour ça deux méthodes. La méthode traditionnelle, qui était une méthode assez lourde, puisque l'augure devait, avec son bâton recourbé, ce qu'on appelle le litrous, il devait déterminer une zone dans le ciel, donc c'était évidemment une zone imaginaire ou virtuelle, et examiner les signes, et en particulier le passage des oiseaux, dans cette zone qui avait été prédéterminée dans le ciel. C'est très exactement ce qui s'est passé au moment de la fondation de Rome et lors de cette consultation contradictoire entre Romulus et Rémus. Vous connaissez évidemment la légende. Mais évidemment, ce mode de consultation est un mode lourd. Donc on est passé assez rapidement de cette consultation par le litouus à une consultation plus commode par des poulets qui étaient considérés comme des poulets sacrés et dont on examinait l'appétit. Et donc, si les poulets mangeaient volontiers, on considérait que les dieux étaient favorables à l'action. Si en revanche ils présentaient quelques réticences, on s'inquiétait de l'état d'esprit favorable ou défavorable des dieux. Ça, c'est une première méthode. Et puis, la méthode aruspiciale est une méthode qui, elle, est utilisée au moment où on fait un sacrifice, de façon à s'assurer que le sacrifice, qui a pour objet, évidemment, de satisfaire les dieux, donc la méthode aruspiciale a pour objet de vérifier que les dieux agréent le sacrifice. Et donc, pour ce faire, on va, une fois que la bête a été tuée, on va ouvrir la bête. Il y a un très beau relief au Louvre sur cette phase. Et l'aruspice va vérifier dans les entrailles. Alors, il y a le foie que vous avez cité, mais il y a aussi le cœur, les intestins, etc. Va vérifier que les dieux agréent, parce que le foie se présente d'une certaine manière, que les dieux agréent le sacrifice. Donc, il y a des méthodes diverses. Des méthodes diverses et des réactions diverses. Il y a une phrase qui est souvent rapportée, celle de Caton, qui dit que deux aruspices ne peuvent pas se regarder sans exploser de rire. Dites-nous, Nicole Bellèche, les Romains y croyaient-ils ? La question est très complexe. Nous savons bien que la croyance est quelque chose de difficile à mesurer. Il y a une posture sociale. Alors, si l'on veut écarter un peu la croyance, je peux vous poser la question. Les Romains pratiquaient cela au quotidien, en tout cas. C'est quelque chose qui est extrêmement concret de tous les jours, la divination. Absolument, c'est tout à fait concret. Cette fameuse formule que vous venez de signaler, qui est souvent utilisée en dehors de son contexte, pour la comprendre, il faut bien voir qu'à partir du moment où ce sont les hommes qui lisent les signes qui sont censés être envoyés par les dieux. Donc évidemment, la manipulation, si je puis parler ainsi, la manipulation des signes est toujours une possibilité, puisque le discours qu'on tire des signes est en fait un discours humain. Et donc si le consultant, ou plus exactement non pas le technicien qui consulte, l'aruspice, lui, il a une technique et il va vous donner des informations techniques. Le foie se présente comme si, il a telle couleur, il manque la tête, au contraire, il y a deux têtes, etc. Donc, l'aruspice, lui, va donner des signes techniques. Ces signes techniques vont ensuite être interprétés par les magistrats, par le le système politique, si vous voulez. Et c'est évidemment au moment de l'interprétation que vous pouvez orienter une lecture de signes de façon à empêcher, par exemple, qu'il y ait une réunion politique qui empêchera l'élection de tel ou tel consul, par exemple, parce que vos soutiens n'ont pas eu le temps d'arriver à Rome de façon à voter. Donc c'est dans ce contexte-là que des augures peuvent rire les uns des autres. Mais il faut bien voir qu'on est là dans un discours de type polémique par rapport à une sorte de rationalité qui se voudrait totalement détachée des intérêts ambitieux des uns ou des autres. Et puis il y a un enjeu politique évident, sachant que la fondation de Rome avec Rémus et Romulus est déjà basée, vous nous l'avez dit Nicole Bellaïche, sur la divination. Le destin du vivant est écrit dans ses entrailles. Deux êtres unis comme s'ils ne faisaient qu'un. Telles les deux faces d'une même feuille. Deux frères. Deux frères dont l'un est un roi. Il fondera un nouvel empire comme le monde n'en a jamais connu et ne connaîtra jamais plus après. Nombreux sont ceux qui le rejoindront pour se soumettre à son commandement. Dans une alliance où ils se protégeront les uns les autres, après avoir longtemps vécu en esclaves. Seulement... Elle va lire le cadran lié aux enfers. Parle. Ne t'arrête pas. Le dessein des dieux ne m'effraie pas. Des deux, il n'en restera qu'une seule. Les deux faces de la feuille se sépareront. Mon frère est en train de guérir. L'un des deux tuera son frère, car ce n'est que de ce sang que le roi pourra naître. La divination dans la série Rémus et Romulus sur OCS, une série de Matteo Rovere de 2020, toute récente, avec, avant de démonter sans doute la construction de cette divination à la fondation de Rome, la nécessité, Nicole Bellaïche, peut-être de rappeler en quoi la divination intervient à la fondation de Rome. Vous vous souvenez que la ville est fondée par les deux frères et Rome ne peut avoir qu'un seul gouvernant, donc il faut que les dieux choisissent entre les deux. Alors évidemment la scène que vous venez de présenter s'est probablement déroulée de façon bien moins théâtrale ou dramatique que ce que nous en dit cette série. Le choix entre Romus et Romulus va se faire par une prise d'auspice. C'est-à-dire, chacun va monter sur l'une des collines de Rome. C'est évidemment la tradition qui le rapporte. Chacun va monter sur l'une des collines de Rome, regarder le ciel. Je vous ai parlé de cette consultation par une zone délimitée dans le ciel. Et c'est Romulus qui va voir le plus d'oiseaux venant de la bonne direction, c'est-à-dire c'est lui qui va avoir le maximum de signes positifs envoyés par les dieux par rapport à son frère Rémus. Et on sait très bien que Rémus va refuser l'avis des dieux et donc il va violer les remparts, il va violer la limite que Romulus a déjà tracé, et c'est ainsi que le frère Romulus va tuer Rémus. Voilà. Donc, ce qui est important dans cette affaire, c'est de voir que on a demandé l'avis des dieux pour la fondation de Rome. Et ça devient le modèle de base pour toute l'action publique romaine. On demande toujours l'avis des dieux avant de faire quelque chose. Voilà, l'oiseau de mauvais augure trouve ses origines ici. Nicole Belaïch, il y a avec cette divination un aspect qui dépasse simplement, vous nous l'avez bien dit, la volonté de lire le futur. C'est presque plus pour le présent et le futur proche, avec un système qui est beaucoup plus global, qui est culturel, bien sûr, mais politique, voire économique. Il y a toute une économie autour de la divination. Cette construction du mythe Rémus, Romulus et la divination, l'oiseau, etc. est quelque chose de plus tardif. Et l'on sent bien ici qu'il y a la volonté de mettre en place, toujours pour l'Empire romain, quelque chose qui va unir l'ensemble de cet empire extrêmement divers. La divination fait-elle partie en cette politique générale pour tenir l'empire, pour que tout le monde soit soudé, quelles que soient ses origines, sa langue et voire sa religion? Oui, c'est un système qui a pour objet de rassurer l'État. Mais on peut dire que tout système divinatoire est de toute façon un système qui a pour objet de rassurer les hommes et de légitimer leur action. À partir du moment où les dieux sont de votre côté, et pour les Romains, les dieux gouvernent tout, donc si les dieux gouvernent tout, il faut bien que les hommes aient un lieu de liberté pour leur action, sinon ils sont totalement pieds et poings liés. Et donc on peut dire aussi que le système divinatoire, à la fois, vise à s'assurer que les dieux sont favorables à l'action des hommes, mais par l'intermédiaire du système divinatoire, c'est également un moyen de libérer l'action des hommes. Puisque à partir du moment où vous avez dit « le dieu est favorable à l'action », votre liberté est totale pour mener l'action. Et à partir du moment où, à chaque étape de l'action, vous vous assurez que les dieux sont favorables, il n'y a pas de limite à votre action. Donc c'est à la fois un système contraignant, si l'on peut dire, puisque on part du principe que les hommes ne sont pas entièrement maîtres de leur destin, mais en même temps c'est un système qui leur permet de récupérer la mainmise sur leur destin. Mais cela est valable quand il y a des dieux. Et Jean-Patrice Boudet, vous savez bien, vous nous l'avez dit, médiéviste, que ces dieux sont contestés et dès lors il n'y a qu'un dieu. Et pourtant, la volonté de jouer de la divination, de toucher à l'astrologie ne disparaît pas. Comment se construit le rapport à la divination sans qu'il y ait ce soutien divin ? Alors, le rapport à la divination, en tout cas aux pratiques relatives aux prédictions de l'avenir du d'ailleurs, la divination, ça se rapporte pas uniquement au futur, ça se rapporte aussi au passé, au présent, à tout ce qui est de l'ordre du caché. Et ce système que Nicole Belaïch vient de décrire est détruit effectivement très largement au Moyen-Âge, mais il est réintroduit en partie sous d'une autre façon à partir du XIIe siècle, XIIIe siècle, à partir des traductions de l'arabe, à partir de tout un système d'interprétation du monde incluant toute une série de méthodes divinatoires, à commencer par l'astrologie, par le biais de ces traductions. Nicole Belaïch, et tout à l'heure vous avez parlé de la fondation de Rome, dans le monde arabo-musulman, comme vous le savez, la divination augurale est autorisée, elle est permise par Dieu, et par exemple, la fondation de Bagdad en 762 a été validée par un horoscope de fondation qui nous est conservé, qui sans doute n'était pas un horoscope aussi idéal qu'il a l'air de l'être, fondé en partie sur un système d'interprétation d'origine antique, mais avec aussi peut-être quelques petites manipulations. Il y a par exemple une position un petit peu bizarre de Saturne, planète maléfique, qui est censée dans cet horoscope être en rétrogradation par rapport au système de Ptolémée, c'est-à-dire suivre un mouvement inverse par rapport au mouvement régulier de la planète, qui est suspect dans la mesure où il ne correspond à aucun des systèmes astronomiques qui existaient à cette époque. Donc, si vous voulez, on a l'impression que dans le cas de la fondation de Bagdad, il y a eu effectivement une tentative de choisir le meilleur moment pour fonder la ville, pour donc asseoir et légitimer le pouvoir des Abbassides, en l'occurrence, de la toute nouvelle dynastie des Abbassides, et que ça a été un petit peu renforcé par des approximations tenant compte sans doute aussi du contexte politique de l'époque. Donc si vous voulez, là encore, il y a un élément de continuité par rapport à l'Antiquité qui est très grand, à savoir qu'il y a un déterminisme naturel fondé sur l'influence des planètes et du ciel d'une manière générale, que autorise très bien Dieu lui-même, et il y a le choix des hommes d'entreprendre telle ou telle action à tel ou tel moment, qui fait qu'ils ont une certaine marge de manœuvre, et que même vis-à-vis du christianisme, ils peuvent dire, les astrologues peuvent dire, qu'ils respectent la doctrine du libre-arbitre individuel, voire la doctrine de la toute-puissance du Dieu unique. Donc finalement, ils arrivent assez bien à contourner l'interdit de la divination par ce moyen, par ce slogan qui est attribué à Ptolémée mais qui n'est pas de lui, à savoir que l'homme sage domine les astres. Très pertinent, hein, Jean-Patrice Boudet, de nous emmener à Bagdad, car quand il est question de l'histoire de la divination, évidemment, toutes les civilisations sont concernées. C'est une histoire qui s'écrit sur le temps long de l'Antiquité mésopotamienne, grecque, romaine, égyptienne, évidemment, sur le temps long jusqu'au Moyen-Âge, avec ces textes antiques traduits. Vous avez cité Ptolémée, le voici. Il me semble plus convenable et plus naturel de prendre les quatre commencements pour juger des événements de l'année, observant les six égies du soleil et de la lune, à la nouvelle et à la pleine lune, qui les ont prochainement précédées, et principalement la conjonction en qui l'un ou l'autre des luminaires s'est éclipsé. Et ainsi l'on pourra donner son jugement de l'état du printemps par le commencement du bélier, de l'été par celui du cancer, de l'automne par celui de la balance, et de l'hiver par celui du capricorne. En effet, le soleil engendre véritablement ces mêmes constitutions universelles des temps et enseigne ses moyens, d'où même ceux qui sont tout à fait ignorants de l'astrologie prévoient les choses futures. Ptolémée, Tétrabible, livre 2. Une lecture d'Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ptolémée, qui est lu évidemment au Moyen-Âge. Encore, quelle est l'importance, Jean-Patrice Boudet, de l'astrologie, de cette croyance en l'influence des astres sur le destin des humains? Elle est très grande et elle ne fait que s'accroître pendant l'ensemble du Moyen-Âge et encore peut-être à la Renaissance, qui peut être une sorte d'apogée de l'influence des astrologues dans la vie et dans la politique en Europe, en tout cas. Alors, au départ, pendant le Haut Moyen-Âge, c'est surtout une astrologie lunaire assez primaire, assez qui n'est pas fondée sur la position effective des astres, si ce n'est le Soleil et la Lune, et qui ne prend pas en compte le mouvement de l'ensemble des planètes et la rotation quotidienne de la voûte céleste. À partir du XIIe siècle, il en va tout autrement avec les traductions de l'arabe et du grec, et les traités théoriques de Ptolémée sont traduits. D'autres qui lui sont attribués sont traduits aussi en latin, et ils sont très abondamment commentés, souvent avec des commentaires qui viennent du monde arabe et qui sont réactualisés, et ce qui fait que l'astrologie à la fin du Moyen-Âge, considérée comme faisant partie de la science naturelle, entre à l'université, notamment dans les universités italiennes, comme faisant partie de la philosophie naturelle, en fait. En revanche, les choses sont un peu différentes en France, dans le royaume très chrétien, qui est plus réticent vis-à-vis de l'astrologie, et qui reconnaît le pouvoir des astrologues que d'une façon beaucoup plus progressive et essentiellement à partir du milieu du XVe siècle, hein, où apparaissent des astrologues de cour reconnus en tant que tels et non plus sous le label de médecin, parce que au Moyen-Âge, être astrologue, c'est très rarement un métier, c'est surtout une activité annexe utilisée par des médecins qui d'ailleurs peuvent utiliser l'astrologie à des fins médicales. L'astrologie est une science auxiliaire de la médecine, une science auxiliaire de la politique et aussi, accessoirement, une science auxiliaire de l'histoire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'astrologie, science auxiliaire de la politique et l'astrologue aux côtés des puissants. Bien, écoutez, nous sommes au XIVe siècle, la lecture d'un dialogue entre Pierre de Castille et son astrologue juif. L'an 1369. S'étant retiré seul avec lui, le roi lui dit « Don Abraham, bien vous savez que vous et les autres astrologues de mon royaume, vous m'avez toujours dit que vous trouviez par votre astrologie que ma naissance fut en telle constellation que je devais être le plus grand roi qu'il y eût jamais en Castille de mon lignage et que je devais conquérir sur les morts jusqu'à gagner la sainte maison de Jérusalem et bien d'autres choses encore de victoire que je devais avoir. » Et maintenant, il me paraît que tout est le contraire, car chaque jour, je vois que mes affaires vont à la destruction de mal en pis sans aucun remède. Pour cela, je dis que vous, les astrologues qui m'avez dit tout cela, vous me l'avez dit pour me flatter, sachant bien que c'était le contraire. Alors, Don Abraham lui dit, « Seigneur, s'il arrive que, un jour où il fasse grand froid, glacial même, un homme entre dans une étuve surchauffée, transpirera-t-il ? » Le roi lui dit « Oui, bien sûr ». Et alors Don Abraham lui dit « Seigneur, cette sudation se fait contre la constellation du temps, car ce temps ne comportait pas de transpirer, mais au contraire d'avoir froid. Et Seigneur, telle est votre constellation. Par vos péchés et ceux de votre royaume, vos actions ont été telles qu'elles sont parvenues à forcer la constellation de la planète de votre naissance, tout ainsi comme la chaleur de l'étuve force le grand froid du temps. » Et c'est Abraham Aben Zarsal qui lui dit cela. C'était le père de Don Mosé Aben Zarsal, qui est présentement médecin de notre Seigneur le roi Henri III. Un extrait lu dans les Lundis de l'Histoire en 1984, un dialogue entre Pierre de Castille, dit le Cruel, et son astrologue juif Jean-Baptiste Boudet. Quand, en tant qu'historien, vous vous saisissez d'un tel texte, qui bien sûr nous paraît extrêmement daté, nous avons réellement du mal à le comprendre, quel regard portez-vous sur l'astrologie ? Il y a quelque chose qui paraît extrêmement cohérent dans ce dialogue. Oui, ce qui est cohérent, c'est en fait l'idée que Pierre de Castille, qui a ensuite eu le nom de Pierre le Cruel, s'est comporté d'une façon abominable et s'est comporté d'une façon contraire à ce que pouvait éventuellement indiquer son horoscope de naissance. Autrement dit, que l'homme sage gouverne les astres, mais l'homme qui n'est pas sage, lui, il gouverne aussi les astres et il peut très bien faire des choses qui sont absolument contraires à ce à quoi il était déterminé au départ. Et là, en l'occurrence, il est effectivement, ce Pierre le Cruel, un ami des musulmans, puisque c'est un le Abraham ibn Zarsal, son astrologue, a d'abord été attaché à Mohammed V. Il n'a pas continué la croisade, il n'a pas continué la Reconquista. Donc c'est un roi de Castille qui est légitimement problématique de ce point de vue-là. Donc nous avons ici non pas une sorte de sténographie d'un dialogue authentique, mais plutôt ce qu'on appellerait au Moyen-Âge un exemplum, hein, une histoire exemplaire visant à démontrer que, quand on est un homme foncièrement mauvais, on peut très bien avoir une attitude contraire au déterminisme astral qui renverse totalement les prédictions des astrologues. Et donc c'est une sorte d'exemplum à la fois anti- et pro-astrologique, d'une certaine façon, qui illustre l'idée, encore une fois, que les astres inclinent, mais ne nécessitent pas, ce qui est une phrase là aussi attribuée à Ptolémée ou à Thomas d'Aquin, sans qu'elle soit vraiment totalement authentique. Donc il y a une marge de liberté qui va dans le bon sens, mais qui peut aller tout à fait dans le mauvais sens dans le cas de Pierre de Cruet. Nicole Belaïche, nous entendons en fait dans ces propos de Jean-Patrice Boudet qui nous conduisent au Moyen-Âge que vous nous disiez sur l'Antiquité, avec malgré tout une place à accorder à l'astrologie. L'astrologie était-elle très présente dans l'Antiquité à côté de l'auscultation des foies d'animaux ? Absolument, absolument. La seule différence, c'est que l'astrologie n'appartient pas à la divination d'État telle que je l'avais, telle que je l'ai présentée très très très rapidement tout à l'heure. En revanche, tous les empereurs ont leur astrologue. On connaît des familles, on connaît les Balbilii, par exemple, au premier siècle de notre ère, qui sont astrologues de père en fils. Donc tous les empereurs ont leurs astrologues à leur côté, et les astrologues, comme Jean-Patrice vient de le rappeler, font des thèmes de naissance, font des prédictions. Alors là, pour le coup, sur l'avenir du pouvoir de tel ou tel empereur. Et il était très intéressant de voir que cette astrologie de pouvoir, cette astrologie de cour, pour parler comme le médiéviste, va être victime, si je puis dire, de l'évolution du pouvoir impérial. Le pouvoir impérial, on le sait, à partir du IIIe siècle, devient un pouvoir de plus en plus personnel, de plus en plus absolutiste. Et dans ces conditions, les ambitieux qui souhaitent la pourpre vont utiliser les services des astrologues pour s'encourager dans leur volonté d'usurper le pouvoir. Et donc, l'astrologie, à partir du IIIe siècle, auprès des empereurs qui sont sur le trône, va commencer à avoir une connotation subversive, c'est-à-dire que les empereurs craignent l'utilisation que pourraient faire des compétiteurs de l'astrologie. Et donc, il y a une répression qui va être organisée par les empereurs contre les pratiques astrologiques, étant vues comme une sorte d'atteinte à la sûreté de l'État. Et il y a des procès absolument célèbres, en particulier au milieu du IVe siècle de notre ère, qui justement vont essayer de supprimer toutes ces élites qui sont censées ou sont supposées vouloir prendre le pouvoir. Le pouvoir de l'empereur. L'astrologie va aussi... Pardon. J'allais demander à Jean-Patrice Boudet, justement, que cette réflexion-là s'applique également au temps de la Renaissance, avec cette image un petit peu cliché, là aussi, de la reine Catherine de Médicis entourée de ses astrologues, et voici qu'apparaît Nostradamus. Nostradamus aussi contesté. Il y a une guerre de pouvoir autour de l'astrologie. L'astrologie est présente autour des souverains, mais cela ne se fait pas sans mal. Oui, tout à fait, d'autant plus que Nicole a parlé de la répression contre les astrologues à partir du 3e, 4e siècle. Il faut savoir que dans le droit romain, qui lui aussi est traduit et diffusé abondamment au Moyen-Âge, toute pratique divinatoire, y compris astrologique, qui est susceptible de porter atteinte à la sûreté du roi ou de l'empereur, ou de l'empereur en ce royaume qu'est le roi de France, ou que prétend être le roi de France à partir du XIVe siècle, du XIIIe, XIVe siècle, est potentiellement passible de mort. Ceci dit, je vous rassure, les astrologues qui ont été condamnés à mort à la fin du Moyen-Âge, il y en a extrêmement peu, et les rares astrologues qui ont été brûlés, comme Cecco d'Ascoli en 1327, ce sont des astrologues qui pratiquaient une sorte d'astrologie magique fondée sur le contact avec les esprits et avec les démons, donc une astrologie particulièrement subversive. Ceci dit, c'est vrai que il n'y a pas eu d'officialisation du pouvoir des astrologues auprès des rois de France au Moyen-Âge, si ce n'est dans une période qui est une sorte de parenthèse durant la seconde moitié du XVe siècle. Et quand vous parlez de Nostradamus, Nostradamus était l'astrologue le plus célèbre de son temps en France, mais il n'était pas l'astrologue officiel de Catherine de Médicis ou du roi de France. Il était consulté dans l'Europe entière, on a conservé sa correspondance qui est absolument passionnante, mais il avait un rôle simplement, si j'ose dire, on dirait de nos jours, de consultant, hein, de consultant de très haut niveau, médiatique, mais pas d'ailleurs de très haut niveau technique, les deux choses étant souvent incompatibles. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est bien mignon, mais c'est extrêmement technique, et lui faisait largement l'économie, sinon des calculs, du moins des choses les plus compliquées. Et c'était donc une astrologie assez simplifiée qu'il pratiquait, mais qu'il pratiquait avec un brio formidable. Voilà, et qui lui a valu le succès. Et Jean-Patrice Boudet, vous évoquiez le fait qu'il y a peu d'astrologues qui ont été tués, et justement, c'est qu'ils étaient mauvais, parce que sinon ils auraient su qu'ils allaient être tués. Donc cela n'était pas des bons astrologues auprès des empereurs et auprès des rois. Il y a des astrologues, et sans doute aussi auprès des rois maudits. Écoutons Maurice Druon sur l'astrologie. Ma croyance en astrologie, n'est-ce pas, c'est pas une histoire de bonne aventure. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'il y a, aux yeux des anciens, d'immenses chaînes de correspondance dans l'univers, que nous correspondons au rythme des étoiles, au rythme des planètes, et cette longue chaîne de correspondance passe à travers les espèces. Nous vivons dans un univers entièrement en relation. De la galaxie à l'atome, il y a des relations. L'astrologie est un des systèmes que les anciens avaient de déterminer ces relations, ces correspondances entre des choses qui apparemment n'en ont pas. Et encore une fois, si les rois de l'Antiquité et du Moyen-Âge avaient les astrologues, je ne vois pas pourquoi nous nous considérerions plus malins qu'eux et plus forts. Parce que nous avons le recours à une science rationnelle, qui condamne tout ce qui n'est pas rationnel. Mais en condamnant tout ce qui n'est pas rationnel, on condamne la voyance. Et oui, voilà, Maurice Druon sur l'astrologie en 1977. À quel moment, Jean-Patrice Boudet, l'astrologie disparaît des usages? Dès le XVIIe siècle, déjà, il n'y a plus d'astrologues aussi présents, ou alors il reste un petit peu influent d'une manière différente? Il reste influent d'une manière différente. C'est-à-dire que l'astrologie au Moyen-Âge n'est pas du tout un système irrationnel, n'est pas du tout une science occulte. C'est une science qui a en bonne partie pignon sur rue, et pour la bonne raison que l'astrologie s'inscrit assez logiquement dans le système d'interprétation du monde, qui est le système géocentrique, hein, avec la Terre au milieu du monde, les astres qui sont tout autour, qui tournent autour du centre du monde qu'est la Terre. Le monde a été créé par Dieu, mais pour l'homme, et dans cette configuration pré-copernicienne, l'astrologie est totalement rationnelle, contrairement à ce qu'elle est devenue par la suite. Alors, le processus d'occultation ou de dérationalisation de l'astrologie, c'est pas c'est un phénomène de longue durée. Copernic lui-même était intéressé par l'astrologie. Galilée aussi. Kepler voulait réformer l'astrologie au début du XVIIe siècle, mais était profondément croyant et s'est livré à toute une série de calculs et de prédictions fort intéressantes. Je crois que ce qui a brisé le socle épistémologique, le fondement scientifique de l'astrologie, c'est Newton. À la fin du XVIIe siècle, la découverte de la loi de l'attraction universelle n'a pas immédiatement transformé l'astrologie en science occulte, mais a quand même brisé la théorie de l'influence céleste telle qu'elle pouvait exister dans le monde antérieur, qu'il soit pré- ou post-copernicien. Eh bien, justement, nous sentons qu'il y a une transformation de l'astrologie qui se distingue en fait de l'astronomie au XVIIe siècle. Mais pour les croyances antiques, Nicole Belaïche, là, il y a transformation des pratiques. Malgré tout, il reste encore aujourd'hui cette volonté, cette démarche de repérer des signes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 2 minutes 20, mais enfin 2 20 pour terminer une émission sur la divination, c'est très bien. Oui, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est d'insister sur la rationalité. Et je pense qu'il est impossible de faire une émission sur la divination dans l'Antiquité et le Moyen-Âge sans citer cet ouvrage tout à fait majeur, co-édité par Jean-Pierre Vernant, sur divination et rationalité, justement. Donc l'importance de la rationalité dans l'approche astrologique est tout à fait majeure, et on le voit également. Alors, dans des documents qui viennent d'Égypte, qui sont gardés sur papyrus, qu'on appelle les papyrus magiques grecs, parce qu'ils sont écrits en grec, et où on voit comment le magicien, alors on appelle magicien un petit peu tout et n'importe quoi, hein, c'est un praticien rituel, mais un praticien rituel privé, comment ce praticien rituel utilise précisément ces systèmes de correspondance dont Druon parlait tout à l'heure, pour construire des rituels qui sont censés avoir une action sur le monde. Et ce sont des constructions qui sont parfaitement rationnelles. Je pense qu'il est important de noter que pour l'Antiquité, la divination n'est pas du tout une pratique de Madame Irma. La divination est un moyen de gouverner le monde, de maîtriser le monde, de se rassurer avec le monde, et c'est une manière de gérer le risque. L'avenir, c'est un risque, et on travaille beaucoup sur les théories du risque actuellement. La divination faisait partie de la façon dont on pouvait gérer le risque, en tout cas dans l'Antiquité. Ben voilà, face à l'incertitude de l'avenir. L'avenir qui est le nôtre, hein. Je sens qu'il va y avoir des foies de moutons et des foies de veau qui vont être achetées et lues avant d'être cuisinées. Merci vivement Nicole Belaïche. Je rappelle votre ouvrage « Religion et pouvoir dans le monde romain, l'autel et la toge ». Et puis merci à vous également Jean-Patrice Boudet, « Astrologie et politique entre Moyen-Âge et Renaissance ». Voilà de quoi faire un long panorama de l'histoire de la réflexion sur l'avenir, le pourquoi pas, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Merci beaucoup à vous deux, et l'avenir maintenant nous conduit jusqu'à Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le droit à la montagne. Avec l'interdiction de skier et la fermeture des pentes du Népal pendant les vacances de fin d'année, un droit naturel à la montagne s'est formulé parmi ceux qui déjouaient les frontières pour se livrer, quoi qu'il en coûte, aux joies de ce sport en voie de disparition. Ce goût des hauteurs s'exprime dès le Moyen-Âge dans le témoignage de Pétrarque, qui décrit les péripéties de son ascension du Mont Ventoux et son expérience introspective à cette occasion en 1336. L'extase des sommets était devenue un objet onirique et leur ascension se voyait anoblie par le poète. Grimper vers le ciel permettait de se livrer à une salutaire quête de soi-même. Le plaisir de la glisse n'est pas encore là, d'ailleurs Saussure, qui parvient au sommet du Mont Blanc en 1786, se livre à cet exploit sous des prétextes de recherche scientifique. La date inaugurale de l'invention de l'alpinisme ne se présente ni comme un sport, ni comme un loisir, mais constitue malgré tout un exploit dont on peut s'enorgueillir sans modération. On pourrait facilement réduire l'alpinisme et ses sports apparentés à un divertissement bourgeois et occidental, mais on se tromperait. Le goût des sommets froids fait rapidement l'unanimité à l'échelle du monde. Delphine Froment, doctorante en histoire, raconte comment la haute montagne devient le terrain de jeu de l'Europe bourgeoise. Les savants, amateurs de sensations fortes, partent en expédition aux quatre coins du monde, bardés de leurs instruments de mesure et avides de s'inscrire au registre des premières fois, embarquant avec eux les cultures autochtones de la montagne. L'alpinisme européen, importé et enrichi, est adapté par chaque population qui la côtoie. Mais avant l'épidémie qui nous cloître, les ébats humains sur les cimes étaient déjà menacés. Les hivers enneigés se faisant rares, une lutte acharnée pour saupoudrer de manière artificielle les paysages de cette denrée rare a commencé à notre époque pour lutter contre la disparition des sports d'hiver, goinfres en poudreuse. Dans les Alpes, le réchauffement est deux fois plus rapide avec une hausse des températures déjà de 2 degrés. En clair, il ne neige plus, il pleut. Parce que l'alpinisme était devenu mondial au 19e siècle, on ne pouvait pas y renoncer sans lutter contre un changement climatique qui annonçait sa fin. Dès le début du XXe siècle, on monte toujours plus haut pour implanter des stations de ski dédiées au tourisme, avec comme seule limite le ciel et bientôt la puissance des canons à neige. Si l'enneigement grippe la machine touristique de la haute montagne dès les années 60, la lutte continue depuis pour convoquer la neige malgré elle. Mais tous les experts de l'enneigement artificiel n'avaient pas prévu la fermeture sanitaire des remontes-pentes pour éviter les traditionnelles queues de skieurs et de skieuses en doudoune qui se pressent devant leurs portes automatiques dans un joyeux mélange d'haleine embuée. La montagne n'est cependant pas pour autant interdite. Si l'on peut mettre les tire-fesses à l'arrêt, difficile de désarmer les chaussures de randonnée pour égayer les hivers incertains. Merci Anaïs Kien. On retrouve tous le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Ludovic Augier, une émission préparée par Valentine Lovrins, Odile Jouessel, Anne-Toscane Vudès et Marion Dupont. La programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes à écouter ou à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre réflexion. Comment les hommes du passé voyaient-ils leur propre futur? Oui, demain, gratte-ciel et voitures volantes retournent. Tour vers la ville du futur.